Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour le premier épisode de la saison 2 de Capsule, le retour du comeback. On est reparti pour une heure et demie de pur délire. Très très bien tout le monde, déjà se fout de ma gueule. Yo tout le monde les amis, c'est Squeezie. Ah mais non, est-ce qu'on est parti sur du pur délire là, les gars? Là c'est du pur délire. Pour une heure de pur délire. Et tout de suite, Tom Frager. Ah, parce que là on réenregistre, la première version était beaucoup plus... Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tous pour le premier épisode de la saison 2 de Capsule, le grand retour yes, en trombe de yes. Votre podcast préféré. Oui. Enfin, j'espère. Oui. Dites-le moi dans les commentaires. J'en ai rien. Personnellement, c'est mon préféré. Ah oui. Oui. Bah, c'est très gentil de ta part. Allez. Un podcast un peu remanié par rapport à la saison dernière. Si vous nous écoutiez déjà, merci à vous pour votre fidélité, tout simplement. Et on est parti pour. Merci. On reprend les acquis, les bons acquis. On essaye de mettre de côté ce qui était négatif, c'est-à-dire pas grand-chose finalement. Et on repart sur une formule un petit peu retravaillée, un petit peu plus professionnelle. Une heure et demie max, parce qu'on a bien compris que les podcasts de 2h30, personne ne les écoutait en entier. Enfin, si, mais il n'y avait que moi, a priori. Ce qui était déjà pas mal. Mais... Du coup, une heure et demie avec un animateur et trois chroniqueurs à ses côtés pour parler, chacun à leur façon, aborder leur ressenti vis-à-vis d'un thème, un thème par émission. Et voilà à peu près pour la nouvelle formule. Que dire d'autre ? Oui, et l'émission se finira forcément toujours par un petit jeu, oui. Concocté aujourd'hui par mes soins, et il sera nul comme d'habitude, oh, mais on ouais. va bien rigoler. Et je vais gagner comme d'habitude. Et non, jamais. Je suis pas sûr que t'aies déjà gagné un seul jeu. J'ai... Oh. Si, peut-être. Messieurs, le défi est relevé. On faudra faire les Nani. Vérifier. Nani. Du coup, pour cette première émission, je suis entouré de trois personnes magnifiques, ouais. Sauf ouais. une. Ouais. Je sais pas qui. On ouais. commence bien sûr avec Barry. Bonjour Barry, comment ça va? Bonjour. Ouais, merci. Écoutez, ça allait très bien jusqu'à ce qu'ils disent qu'il y a une personne qui était pas belle et il m'a regardé quand il dit ça. Donc. Ah non, je parlais de Raph en fait. Ah ok. Ah. C'est la dernière fois que je. Je pensais que c'était clair pour tout le monde. C'est pour ça. Super. Barry, avec quoi? On va parler de quoi avec toi? On va parler de culture avec moi un petit peu. On va parler de l'évolution de comment on a consommé la culture pendant cette fameuse décennie. Eh oui, parce que le thème, je l'ai pas très bien précisé. Le thème, oui. c'est la décennie 2010 et du coup 2019. On n'a pas encore terminé la décennie, mais l'idée, c'est de faire déjà. Un premier historique, un premier bilan de comment yes. Ces années, ces belles années ont évolué. Yes. Avec nous également, un autre habitué de Capsule, c'est Romain. Bonjour Romain, oui. comment oh. ça va? Il ressemble à Antoine Griezmann, c'est faux. Taux de ressemblance, moins 12%. Ouais, à peu près. Bah écoutez, je vais très bien. Romain, comment as-tu décidé d'aborder ce thème? Moi, je vais l'aborder sous le prisme du sport. C'est beau. Voilà. Et j'ai un peu fait voilà, un top 10 un peu grossi, donc top 12, avec quelques mentions honorables, voilà, des sportifs emblématiques de cette décennie. Eh bien, voilà. on t'écoutera avec grand plaisir en deuxième partie. Et pour terminer, le plus beau. J'ai menti, c'était le oui. plus beau. Oh là oh. Merci, oh c'est gentil. Retournez je m'applaudis. Oh Raphaël, s'il vous plaît. Je t'applaudis. Oh. Et je m'applaudis. Oh. Raphaël, comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir. Alors. Les internautes, c'est, je veux le dire. Voilà. Avec quoi de quoi va-t-on parler avec toi, Raphaël? Moi, je vais faire une petite rétrospective de cette décennie, voilà, 2010-2019. Je vais essayer de vous emmener là où Wikipédia ne vous emmène pas. J'irai où oh, c'est beau. Ira, Raphaël. Ça me donne et envie oui. d'écouter ça. Et moi, ça me donne envie de la faire. Donc je la ferai. Pour vous. C'était le but. Donc, c'était, oui. c'était l'objectif. Mais je travaille, hein. Je travaille bientôt. Allez, on se presse. On commence tout de suite, c'est parti. C'est parti pour ce premier épisode de la saison 2 et on va commencer évidemment avec le taulier, l'habitué, le pilier de bar, Barry. Oh, le pilier de Barry. Jeu de mots. J'allais faire un refus de blague et finalement j'ai accepté. Artiste. Mais ça se voit au niveau de ta beurre, ouais, c'est très bien taillé d'ailleurs. Barry, je t'en prie, c'est à toi. Le meilleur lancement que... J'en perds mon latin. Je t'en prie, c'est à toi. Écoutez, messieurs, moi pour cette décennie, Je me suis dit à la base, étant donné que je suis un connard, je voulais faire un top 10 des albums de rap. Non, faut pas dire ça. Arrête de te déprécier. Mais oui, tu l'es, mais je me suis dit, ça va un peu les emmerder. Je parle de rap tout le temps. Barry, ouvre ton esprit un petit peu. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de l'évolution de la façon qu'on a eu pendant cette décennie de consommer la musique finalement. La musique et autres cultures. Ouh, la musique Je le sais. Sera la clé de l'amour et de l'amitié. Et donc la musique et tout ce qui est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? c'est les fameux moments de délire que j'avais annoncé au début. Ah oui, c'est ça, le pur délire. Pur délire. On est en plein droit. Allez, du peps. C'est parti. Et du coup, en gros, tout ce qui est culture audiovisuelle, et même un peu plus que ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, l'objet culturel au début de la décennie 2010, que ce soit le CD, le DVD, la cassette, ça n'existait plus, mais j'adore ça. On est au point le plus bas pardon, de la crise du disque. C'est-à-dire que à cause des plateformes de téléchargement illégales telles Sherazade et autres Imul, en gros on vend plus le disque, les artistes vendent plus le disque, et y a plusieurs alternatives qui se dressent en fait face à cette crise, et l'une d'elles c'est le streaming, qui commence dès 2006, un peu avant, ça commence dans les au 20e siècle, pardon, mais je veux dire, les solutions de streaming qu'on connaît maintenant... Quoi ? Au 20e siècle. Écoutez, je suis allé sur le Wikipédia de streaming, et je veux pas être pénible, mais il y a des trucs intéressants. Okay. Je recommande. Ok, très bien. J'en parle pas parce que vraiment c'est casse-couille, mais... oui, en gros, Spotify, par exemple, ouvre en 2006, et en 2010, c'est le moment où ils ont que, entre guillemets, 8 millions d'abonnés sur Terre, donc c'est pas comparable à ce qu'ils ont maintenant parce que maintenant c'est abusé, mais ils arrivent en 2010 à prendre le pas et à être choisis par à la fois les artistes, les labels, l'industrie et même les autorités locales et au final internationales en termes de droits d'auteur, etc., pour être le nouvel outil de référence entre guillemets pour la consommation de produits culturels, d'abord de musique, donc avec Spotify. En France, on a Deezer, sinon il y avait quoi, il y avait Napster. Maintenant, Apple Music, on s'en fout. Et de la même façon, ça a suivi avec la vidéo, avec le cinéma. Donc, on a eu d'abord Netflix. Et puis maintenant, toute cette année, il y a eu Amazon Vidéo, Disney+, Apple TV+, etc. etc. Et du coup, moi, je voulais vous demander déjà dans un premier temps, est-ce que dans les années 2010, au début, en 2010, dirons-nous, vous étiez consommateur plus de produits physiques, genre vous achetez des CD, ou est-ce que vous étiez genre des sales pirateurs de merde? Romain. Moi je piratais pas parce qu'en fait j'avais pas d'ordi. Non. C'est super triste. La petite merde. Ah ouais. Malheureusement ma maman n'a voulu m'acheter un ordi que à mes études supérieures. Ouais. Et à mes études supérieures le téléchargement c'était déjà un peu dead. On sait l'effet des écrans sur les nouveaux nés. La lumière bleue, attention. J'ai eu une enfance assez triste au final. Moi j'allais sur l'ordi familial, tu vois. Genre, Ah oui, il y avait ce bail aussi. Ah oui. C'est vrai. Et toi Florian, est-ce que t'étais... Le streaming, moi, pour très longtemps, m'a servi uniquement à regarder les films que j'allais pas payer pour aller voir au cinéma ou... Mais je veux dire, au début, genre, est-ce que tu téléchargeais tout ça? Oui. Ouais. Oui. Ouais, mais oui, c'est avec, par torrent et tout, mais le problème, c'est que voilà, c'est illégal et on est écouté, donc... Franchement, c'est une restriction. Non, mais c'était beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui, ouais, tout ce qui était système de torrent avec uTorrent ou Emule, des trucs comme ça. C'était une autre époque aussi parce que la vitesse de téléchargement était pas non plus la même. Il fallait un petit peu... Il fallait que tu aies envie de le voir, le film. Ouais. Il y avait beaucoup de sites qui proposaient des torrents, justement. Ça se partageait beaucoup plus. Ouais. Ça existe toujours, hein, mais c'est beaucoup moins utilisé. Ouais. Parce que oui, comme tu l'as dit, maintenant, le streaming est encadré et est devenu legit, surtout. C'est-à-dire que à travers le système d'abonnement, maintenant, c'est bon. Et pas cher. Oui, quand t'as acheté un Scud à 15 balles pour écouter... Une fois. Surtout les singles qui coûtaient 9 euros, t'avais deux morceaux. Et Crazy Frog, mais oh, tu m'as pris tellement de thunes. La SketchUp. J'ai retrouvé ma collection de singles avec Ilona Microset et autres M. Pokora. Oh oui. Les gars. Ça se vend toujours des singles physiques? Je crois suis sûr que oui. Ça se vend encore, ça. 100%. Genre à la Fnac, tu peux trouver des singles. J'irai voir tout à l'heure. Parce que mine de rien, j'ai même pas vu la transition. Je serai dans les bacs. Je sais pas si dans les bacs, tu peux trouver des singles. Maintenant, c'est les vinyles. Ouais, c'est vrai que c'est le retour en force des vinyles. Et voilà, on parle des vinyles. Mais c'est parce que c'est devenu presque un objet de collecte. De collecte. Ouais. Mais t'as parlé d'un truc, t'as soulevé un point intéressant, c'est que, merci. Étant donné que maintenant avec un abonnement on a accès à tout, il y a beaucoup, et avec l'explosion en fait du nombre de plateformes dans n'importe quel domaine, les plateformes de streaming illégal et de peer-to-peer, etc., elles ont de plus en plus de mal à se maintenir parce que il y a de moins en moins de gens qui sont là pour les maintenir, du coup, vu que tout le monde, enfin presque tout le monde a un abonnement Netflix ou autre aujourd'hui. Et du coup, il y a beaucoup moins de gens pour les entretenir. Du coup, elles sont moins difficiles à trouver, à fermer, à clôturer, etc. Et donc voilà, on voit que maintenant, le streaming est en train de définitivement, pour moi, hein, prendre le pas sur le... Enfin, en train de tuer vraiment tout ce qui est commerce illégal. Encore une fois, j'ai du mal avec ce terme, mais de l'objet culturel. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même façon... il y a des objets qui n'étaient pas forcément audiovisuels, comme des objets d'art placés dans des musées, qui sont maintenant disponibles, enfin numérisés. Ça, c'était le point de cette chronique, c'était de montrer comment, en 2010, en fait, on a numérisé toute la culture. En fait. Enfin, on a achevé le procédure de numérisation. Plus que l'audio ou la vidéo. Quoi. Plus que l'audio et la vidéo, parce que, par exemple, je vais vous parler d'un outil dont je vous ai sûrement jamais parlé, qui est un logiciel, enfin, c'est un site Google sur lequel on peut visiter des musées. Ça s'appelle Google Art quelque chose, non? C'est pas ça? Il y a une application Google Art, ouais. Je sais pas si les deux sont au même endroit. Ah oui, c'est peut-être pas la même chose. Ouais. Mais, et en tout cas, l'application est très marrante, je suis pas rendu là-dessus, parce que, en gros, vous vous prenez en photo, petit selfie, petit bisou, tout ça, et l'application analyse votre faciès, et vous compare un tableau qui est référencé. Trop marrant. Énorme. Toi, c'était sûrement la Joconde, non? Moi? Ouais. C'était le Colosse de Rhodes, moi. C'est vrai? Oui. Wow. Mais c'est vrai que t'es massif. Putain. Colosse, c'est l'objectif qui te correspond le mieux, je pense. Rhodes, moi, je dirais. Bah, j'adore. Je voulais pas continuer, j'adore ce moment. Continue un peu. C'est terminé. Ok. Mais, voilà. Et en gros, sur ce site internet, en gros, Google propose des visites interactives que tu peux suivre avec un casque de réalité virtuelle. Ou en gros, c'est comme un Google Street View dans le musée. Mais c'est gratuit ou faut c'est payer un accès? Il me semble que c'est gratuit. Alors, ouais. C'était gratuit au lancement. Dans une campagne d'accès à la culture, ça aurait du sens. Ouais. Ouais. Et du coup, en gros, c'est comme si tu avais une visite guidée, donc ce qui est normalement payant et qui parfois coûte un peu cher, mais gratuit et de chez toi. Donc évidemment, t'es pas dans le musée, t'as pas l'odeur, des enfants de temps et tout ça. Tu vois. De vieux, quoi. Et les petits chinois qui sont là. Parce qu'ils sont toujours là. Ils sont là même sur le... C'est vrai. Raphaël, il est viré. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et du coup... On dit asiatique d'abord. Bon, ça va. Bref. Bref, c'est le premier, chinois, j'ai pas envie qu'on se fasse dialoguer. Je t'en prie, Barry, poursuis. Et du coup, voilà, moi j'ai envie. Thaïlandais ou pire vous... Pardon, j'adore là. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Et du coup, comme j'avais quand même envie de parler des œuvres importantes en fait, de la décennie, qui pour moi étaient le cœur un peu de ce que j'avais envie de dire, je voulais vous demander quelles œuvres, d'après vous, sont les œuvres qui ont le plus marqué la décennie. On parle de musique, de ciné. Le Marvel Cinematic Universe. C'est vrai? Oui. Tu penses vraiment que c'est ça? Oui. Je pense que c'est ce qui définirait le mieux la décennie. Ouais. Parce que c'est vraiment dans cette tranche-là où est sortie la majorité des films du MCU. Ouais. Et quand tu vois les entrées que ça fait au box-office mondial. J'en ai jamais vu un, quoi. Ouais, mais ouais. C'est un carton. C'est quoi. Pas des grands films, hein, mais ça marche bien. Ça fonctionne. C'est du blockbuster pur. En 12 ans, parce que ça commence en 2008. Iron Man, ça en a sorti combien? 24 films. Wow. C'est pas fini. 25 avec le dernier Spider-Man. C'est énorme. Et par exemple, pour le coup, tu sais, j'avais même pas du tout pensé. Mais au final, même dans le. Enfin, dans les Marvel, ça a un succès qui est tellement immense que le rapport à la musique et au monde extérieur, en fait, ou pas du tout fictif, a beaucoup changé. Je veux dire, c'est les premiers avec Black Panther. J'ai un peu dans mon micro. C'est les premiers à avoir remis au goût du jour la. Arrêtez de vous moquer de moi. Le petit. Il est à la caméra. Je me suis gratté le nez. Alors, c'est. Voilà. Tu t'es pas gratté le nez. Je me suis. Salut maman. Il a fouillé. T'es moi la paix. Oh la Joconde. Arrêtez de me distraire là. C'est le moment de délire. il y en aura plein parsemé de un peu. Pur délire, hein. De pur délire. Un peu de sérieux. J'avais dit que c'était un format plus pro, les gars. Putain, merde. Non, mais on est viré. Rigoler professionnellement. Non, je suis en gros, là où je voulais. Là... T'es même pas payé. Oh, pardon, Marie, vas-y. Là où je voulais venir, c'est que ça a remis au goût du jour en gros la bande originale qui est vraiment composée autour d'un film. L'émission de Nagui sur France Inter entre midi et 14h. Je te déteste. C'était tellement beau. J'ai les références. Mais c'était magnifique. Elle était glissée. Je te suce. Alors. J'ai envie de partir. Non, mais là, c'est du pur délire. C'est ni délire ni génial. J'ai envie de partir. Laissez-le reprendre. Je deviens génial. Oui, ça a vraiment remis au goût du jour le fait de créer une bande originale autour d'une œuvre cinématographique et qui a été reprise de suite après, dès l'année d'après, avec Spider-Man Far From Home. New Generation en français et du coup Multiverse. Ah, l'anime. Ah, okay, oui, mais qui est pas, qui fait partie du MCU. Qui fait pas partie du MCU, mais qui. Oui. Coup, ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est un bon exemple, moi je trouve. Et vous, messieurs, par exemple, Romain, est-ce que tu auras une œuvre qui, selon toi, a été capitale dans la décennie ? Dans la décennie ? Ouais. Mais c'est vrai que ouais, le tout ce qui est Marvel, c'est vrai que c'est compliqué. Tout le monde Marvel, ouais, c'est. Et moi j'ai dit ça parce que. Non, mais c'est vrai. Je dirais pas que c'est ma ref à moi. C'est une success story, quoi, mais. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, vas-y, Raphaël. Moi, je dirais les œuvres de Banksy. Banksy, ça fait parce que je trouve qu'il mêle à la fois le street art parce que c'est vachement à la mode et en plus il dénonce quoi. Ah oui, ouais. Non mais en vrai de vrai, je trouve qu'il représente vachement bien la et quand il a vendu son œuvre, c'était vendu chez Christie's. Et en fait le mec il est là en mode, on va expliquer quand même parce que alors il y avait son œuvre, c'était quoi? C'était la petite fille qui tient le petit cerf-volant. Donc Christie's l'a découpé, l'a pris et l'a vendu aux enchères. Et au moment où l'œuvre a été vendue, la vente a été réalisée, l'œuvre s'est calcinée en petits morceaux. Elle s'est, il y avait une broyeuse comme dans une machine. Incroyable. Le mec, mais il est fou. Incroyable, trop génial. Je trouve l'idée folle. Moi, je trouve que lui représente bien. C'est vrai, t'as raison. Je trouve que c'est un artiste qui représente bien la. Il présente aussi bien la façon. Enfin, comment le street art a été récupéré par toute cette vague d'art de contemporaniste, enfin de mecs d'art contemporain, le capitalisme. Et le ce foutu système qui passe de fin des années 2000 à il y a des brigades anti tag encore à Paname avec des qui prennent leur matraque et qui tapent sur les mecs qui tapent sur les trains, tu vois, à des trucs qui sont, enfin à des murs qui sont aménagés, des murs qui sont carrément découpés, on enlève les plaques de pâte pour les revendre aux enchères après, etc. Donc ouais, je trouve que moi aussi c'est assez intéressant. Ouais. Musicalement, est-ce que vous auriez quelque chose? Musicalement, ressortir un. Ouais. Moi, c'est Drake, c'est compliqué. Et toi, Barry, Drake, moi je trouve que. Vas-y, t'as des idées. Alors, j'en ai pas mal, mais je pense que les deux plus importantes. La première, c'est Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, l'album dont je vous avais déjà parlé quand on avait reçu Mathis. Tout à fait. Retrouvez l'épisode numéro je ne sais plus combien. 14. Écoutez-les tous, de toute façon. Je crois que c'est le 8. On en a fait 8, nous ? On en a fait 9. Incroyable. On en a pas fait 8, nous ? Alors, on en a fait 10, mais le 10ème est... Il y a eu des problèmes. Voilà. Je pense que ce morceau-là, c'est le plus important dans la façon dont il est construit. C'est vraiment une symphonie urbaine moderne. Enfin, c'est incroyable. Je vais pas en reparler parce que vraiment genre j'ai fini mon temps déjà. mais voilà. Et après, le second, ce serait Take Care de Drake, en fait. Ouais. Ah non, Drake a forcément une œuvre que tu ressens parce que il... Parce que Drake, c'est Drake depuis 2015, c'est Drake, le monde. Oui, c'est ça, Drake. C'est des mecs qui sont tout le temps dans le top tous les ans. Ah, dans les charts, ils sont toujours. Ils cartonnent. Dans le Billboard. Surtout qu'il y a une influence folle. Le mec, il arrive, il chante aussi bien qu'il rappe, il chante extrêmement bien. Il rappe vachement bien parce que on l'a appris un peu plus tard, mais il est secondé dans tout ce qui est rap. Enfin, on écrit pour lui, on lui fait ses mélodies, etc. Donc c'est plus un interprète qu'un rappeur, etc. Mais je trouve que c'est quand même une personnalité qui est. Qui est très importante. Après, il y a évidemment Kendrick Lamar et d'autres personnes, mais là, j'en sors. Et francophone. Francophone ? Francophone. Caris. Johnny Hallyday. Ouais. Mais après, Or Noir, c'est dans la décennie, ouais. Ouais, 2013. Booba au-dessus ? Non, ouais, Johnny Hallyday. En fait, Or Noir, si on parle c'est vraiment l'album qui... Ouais, Johnny, je sais pas pourquoi on parle pas de Johnny. Bah ouais, c'est lui. quand il est mort, mon gars, putain. Ouais. Enfin, tout le monde était hâle, quoi. Bah non, mais en vrai. Oui, bah Johnny, c'est un mec qui a marqué. Bah, il a pas marqué la décennie là. Oui, c'est pas cette décennie qu'il a marqué. Quoi. Il a plus marqué le paysage culturel français en général. C'est vrai. Je pense qu'il sera immortel. Oui, mais il catégorise pas cette génération. Ouais. C'est vrai. Dans cette décennie, autre que rap, je saurais pas vous dire. Est-ce qu'il y a un album, selon vous, mais si... qui en pop ou en variété a été. Bah ouais, ou Christine and the Queens. Évidemment. Mais c'est pas 2010. Les gens écoutent ça en vrai. Oui, mais après. Angèle. En termes de. Trop récent. Un peu récent, peut-être. Ouais, je t'aime. Je dirais pour le coup, je pense que Daft Punk, ouais, mais c'est pas... l'impact mondial que le ça. Dernier album, c'est le dernier album, dernier c'est 2013. 2013, ah, Random Access Memories. Il n'y a pas de tournée, il n'y a rien du tout. Donc ouais, mais d'accord, mais regarde le buzz que ça a fait, je sais pas comment catégoriser ça différemment. Ouais. Pur délire, buzz. Ouais, c'est ça. Année 90. 2.0. On est pas dans la bonne décennie, au fait. En vrai, l'album de Daft Punk. Oui, bien sûr, ouais. Parce que autant nous, on est français, bon, du coup, on connaît Daft Punk, mais le succès que ça a à l'étranger, c'est. Moi, j'étais un peu déprimé parce que j'étais persuadé que ça allait relancer la funk. Je pensais que le funk allait redevenir le style numéro 1. Il y a eu un twist. Il y a eu un album de Bruno Mars, full funk, avec Uptown Funk, avec Mark Hanson et tout ça. Exactement. Exactement. Et du coup, j'étais... pas reconnu, perso. Shazam a reconnu, donc... Validé par Shazam. Pas du tout. Bon, voilà. C'est à peu près tout pour ce que j'avais envie de vous faire, de vous dire. Merci à toi, Barry. C'était très sympa de voir ton analyse de la décennie. Très intéressant. Ça m'a fait plaisir, tout simplement. Voilà. On va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Et on va continuer sur la thématique de la décennie. Je voulais juste noter, faut pas faire attention à la pluie bordelaise qui tape ici sous les toits. Ouais, mais ça fait cocooning. Ouais, ça fait cocooning. Moi j'aime ça bien. Petite ambiance. J'espère que ça vous dérange pas trop à l'écoute. Et on va enchaîner du coup avec Romain. Romain qui a décidé de nous parler, si je me rappelle bien, sport. Exactement. Voilà, c'est un assez bon résumé. Hein, c'est assez large. Bon. Exactement. Ouais, moi pour revenir un peu sur cette décennie, je me suis dit. Une idée très simple finalement et pas du tout originale, c'est mais bon très écoute bonne voilà. De faire un petit top 10 un peu plus, parce que en vrai top 10 c'est quand même délicat, des sportifs, alors les plus emblématiques, ça sera pas forcément ceux qui ont eu le plus de succès, mais le but c'était que on ressorte des sportifs où on se dit, tu parles à n'importe qui sur la planète Terre, il dit Terre, il s'en rappelle et je connais quoi, enfin je me limite pas à la France vraiment, c'est tu dis okay. Voilà, donc je commence. Alors cet ordre, c'est pas par. Tu fais dans quel ordre, du plus bas? Il y a pas d'ordre. Il y a pas d'ordre. Je vais les citer comme ça. C'est instinctif, quoi. Voilà. Alors déjà, ça me tenait à cœur de commencer par malheureusement la seule personne féminine que j'ai réussi à mettre dans ce top, Serena Williams. Ouais. Voilà. Ouais. Alors le but, c'est que voilà, vous me disiez un peu si. Non, parce que. Ouais, elle est belle. Ouais, si, parce que. Non, mais c'est ça. Ah non, ah faut dire, c'est nous. Ah d'accord. On parle pas de la vie physique. Parce que j'avais LeBron James, après je le trouve moins beau. Non, mais ok. Ok, pardon. Là, c'est Serena Williams, oui, alors ça fait des années qu'elle trust un peu les top ladders. Ouais. Mais pour le coup, oui, c'est vrai que même cette décennie-là, oui, elle était très performante. Elle est toujours numéro 1 mondial, non, j'en sais rien. Bah, je ne crois pas. Elle a pas perdu. Face à une meuf qui était juste. Non, mais elle doit être quand même. Ouais, mais après, si tu vois, le but, c'est vraiment de résumer sur la décennie. Sur la décennie, elle est large. Elle est surdominante quand même. C'est la record woman de titres, de titres de grand chelem. Ouais, elle a 13 grand chelem, je crois. C'est pas mal. Pas non plus. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est, du coup, c'est la seule. Alors, malheureusement, oui. Ouais, pour en avoir discuté. Bah, oui. Après, voilà, j'ai. De toute façon, t'es misogyne, donc. Je suis. Voilà, on coupera. Voilà. Mais ça se voit tout de suite dans ta chronique. J'ai pas de réponse à ça. Mais je suis preneur. Si vous avez d'autres sportives qui vous viennent à l'esprit, en effet, sur cette décennie. Je réfléchis deux secondes. Le sommaire. Eugène Le Sommaire. Eugène. Moi, j'aurais dit. Voilà. Eugène. Une meuf. Eugène. Le mec il respecte. Mais pardon, Eugénie Le Sommaire. Et non, mais en vrai, c'est l'une des meilleures attaquantes de football. Non, comment s'appelle la Gironard, moi. Wendy. La défenseur. Ouais. Je pense qu'on peut dire l'équipe de France féminine plutôt. Ouais. Et comment s'appelle cette attaquante de l'équipe des États-Unis Il y a Morgan et Rapinoe. Morgan, ouais. Morgan, tu vois. C'est vrai qu'eux, pour le coup, ouais, elles ont. Eux bah, les deux. Ah, bah, elle. Elle. Oh là là. À toutes nos auditrices, pardon. J'aimerais faire un point sur un truc. Attends, il y a plusieurs genres en fait dans l'humanité. Moi je suis non binaire, les gars. On s'est vu avant d'enregistrer. On s'est dit, putain, c'est dommage parce que la première, on va la faire sans meuf. Oui, on c'est vrai. On n'a jamais invité de fille. C'est vrai. On se rattrapera. Je l'annonce aujourd'hui. On se rattrapera la prochaine édition si tout va bien. On devrait être au moins deux personnes de sexe autre que homme. On appelle ça comment déjà ? Non binaire. Femme. Voilà. Allez. Oh là là. Oh là là. Non mais moi je pense, ouais. L'équipe de football des États-Unis, ouais, pour le coup, plus peut-être aux États-Unis, mais pendant le mondial, surtout, on l'a vu. Pendant le mondial, on a vu, ça touchait quand même. Ouais. Surtout que je trouve qu'elles se sont vachement engagées durant la Coupe du Monde. Ouais, elles sont pas allées voir Donald Trump quand elles ont gagné la Coupe du Monde. Et je trouve qu'elles ont changé pas mal de choses au niveau de. Bah, pour les droits féministes, ça, genre, c'est cool. Ouais, non, c'est vrai. Okay. Très bon exemple. Alors, du coup, je continue mon top parce que faut enchaîner. Pour en citer un autre, Michael Phelps, pour moi. C'est curieux ça. La natation. Le nageur. Mais il a pas arrêté, lui. Le plongiste. Bah, pour moi, il a marqué la décennie quand même. Il sort, il se tape en tout sur tous les JO, 14 médailles et 9 médailles d'or quand même. Mais c'est en quelle année les JO de quoi ça ? C'était pas à Pékin ? Parce que Pékin c'est 2008. Je crois qu'il y a eu Londres. Ah oui, 2012. Londres. Enfin pour moi, il a marqué la décennie. Enfin, ça reste un des sportifs plus dominants. Après, il a été suspendu un moment, non ? Pour soit dopage, soit je sais pas quoi, non ? Mais non, c'était pas une histoire de combinaison flottante. Les combinaisons, c'était trop dynamique. Ça cassait tous les records. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça a été annulé depuis, non ? Bah, ils ont des slips de bain, du coup, maintenant. Parce que très minuit. Ce qui est, moi, je préfère, quand je regarde. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Petite ficelle, là. Imagine, après, moi, j'avoue que natation, je suis pas hyper calé. Mais le mec, il arrive à chanter demain au Oxbow. Au JO. Beau gosse. À fleurs. Oui, non, c'est vrai, Michael Phelps, ouais, bah, qui est un sacré recordman dans sa discipline, en tout cas. Exactement. On peut le dire comme ça, je pense. Ensuite, évidemment, j'ai sorti les incompressibles Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est marrant que tu les associes. Et tu les mets en combat. J'ai pas voulu créer de conflit. Il y a pas de conflit. Voilà, parce que comme il y a plein de sports, tout ça, on va pas commencer. Ouais. Voilà. Oui, on respecte tous les sports. Évidemment, Cristiano et Léo, comme je les appelle. Pas... Voilà, c'est okay. Pas comme ça. D'accord, ok. Certains les appellent Eugène. Alors... À qui yes. À qui dans... Le mojo, hein. Tu l'as et puis après il s'en va. Ah, c'est vraiment... je retenterai plus tard. Salaud, putain. À qui on pourrait. Moi je suis pas un expert de l'histoire du foot, mais j'ai deux belles personnes. Ou trois même. C'est moi. Moi j'aime bien le foot. À qui on pourrait comparer cette paire. Messi, Ronaldo. Dans un autre sport ? Dans un autre sport ou dans le foot, ou précédemment dans le foot. Est-ce qu'il y a une aussi grosse rivalité dans le foot ? Et d'aussi gros talents. Parce que les deux équivalents de talent, c'est Pelé, Maradona, et c'est pas la même génération. Donc, Et Zizou ? Ouais, mais Zizou, pareil. Bah, si, enfin. Bah, il était pas non plus. Enfin, pardon. Mais Zidane, c'était pas non plus. Aussi on fort que non mais en vrai autant les propos misogynes je veux bien non mais en vrai Zizou, non mais en vrai de vrai quand tu compares le rendement de Cristiano et de Lionel Messi par rapport à celui de Zidane même s'il est conique en France c'est pas la même stature la coupe du monde on est champion du monde d'ailleurs deux fois il paraît non ouais Zizou mais parce qu'on est français peut-être qu'un métro après si Zizou ça reste un extraterrestre du football mais à la même époque t'avais quand même des Ronaldo t'avais d'autres gars. Petit problème technique, on reprend. Il y a eu des petits dégâts des eaux dans la toiture du studio. On va recommencer à investir. Du coup, Romain, je t'en prie, reprends ton magnifique top, s'il te plaît. Ok. Et alors, pour en citer un autre, Usain Bolt. Oui, là, on est d'accord. Ouais. Ok. C'est, bon. C'est validé par tout le monde. Bah, au foot ou... Un grand footballeur, est-ce qu'on est d'accord ? À Dortmund, il a pas percé. Hein, mais... non. Il joue pas dans un club en Australie ou un truc comme ça ? Si, Melbourne, je crois. Un truc, ouais, non, ouais. Un truc, les Mariners, ou je sais pas quoi. Enfin, Mariners. Parce qu'il avait, à une époque, il s'entraînait avec le club du Borussia Dortmund. Ouais, dans l'équipe B. Ouais, je sais pas s'il a joué d'ailleurs. Je crois qu'il a. Il a juste fait les entraînements. Je ne sais pas. Mais ouais, je crois qu'il a joué. Mais je crois que c'était juste un peu de com pour. Ouais, parce que Borussia était à l'époque équipe banquier Puma. Puma, et oui. Et donc, à mon avis. Sponsor fait, historique de Puma. Comme lui, il court aussi vite qu'un Puma. Bah voilà. On a fait des liens. Mais ouais, je pense surtout que c'était un kiff de mec genre, qui avait fait le tour de sa discipline et qui s'est dit bah, autant je profite de ma notoriété pour faire ce qui me plaît. Un peu comme Manodou qui s'est lancé dans le hand et ça a pas trop marché. Ah ouais, oui, c'est vrai. Il est joué dans un club pro ? Non, enfin deuxième division, un truc du genre. Bah quand même. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ah, mais il réussit bien. Oui, donc Usain Bolt validé 4000%. C'est validé, très bien. Lewis Hamilton. Ah oui. Ah oui. Quel beau champion. C'est pas de... Je trouve. Non, mais c'est-à-dire que quand il gagne, il va voir les gens, il leur serre la main. Chose que les gens dans la F1 avant ne faisaient pas du tout, je trouve. C'est une nouvelle génération de pilotes. Ouais, qui est beaucoup plus proche de ses fans, beaucoup plus humain, j'ai l'impression. Enfin, je m'avance un peu. Ouais. Mais en fait, c'est parce que. Bon, ma mère est fan de F1, du coup je regarde tous les F1 les dimanches. C'est beau. Okay. Mais vraiment. Et donc, du coup, à chaque fois, elle est là, putain, mais Lewis Hamilton, trop bien parce qu'il va voir les gens, il va leur serrer la main et tout. Genre. Il a combien de titres, t'as l'info ou pas? J'ai pas l'info. Mais je crois que c'est le... il s'est pas devenu le recordman, il est pas passé devant Schumacher ou un truc comme ça. Après, moi je suis pas. Rip Schumi. Ça sera creusé. Mais il est pas mort. Ah bon? Oh, il, si, il est mort. Si, il est mort. Il est mort cérébral, non? Bon. Ouais, mais. Ouais, pff, on va... il, fait... il dort quoi. Allez. Bon bah tout nos condoléances à la famille. Non mais je crois qu'il est juste dans un état ok d'accord bon, pardon. Végétatif. Végétatif tout à fait, j'adore les légumes. C'est faux et ça se voit. Ouais. Non mais le pire c'est qu'il a raison. Je peux pas nier l'évidence hein, c'est ça le problème hein. Putain. Donc Lewis Hamilton grand champion fait chier, de en fait, Formule Barry 1. Je sais pas. Il a vérifié l'info de... Ah et alors de... Alors tu l'as trouvé? Bon je vous emmerde. Il est à 89 Grand Prix. Et en... 89 joué. Enfin, non, victoire. Gagné. 83 victoire. Ça, c'est pas possible. Si. Et titre de champion, c'est une, une dizaine. Non champion du monde 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Ça fait 6. C'est tout, moi ouais, je pensais plus. Donc il marque plutôt bien la décennie. Il rentre bien dans le cadre de Marvel. Non, mais ça reste, un grand champion, c'est clair. Bravo, Lewis. Merci, Lewis. Alors après, j'ai eu un petit problème. Au niveau tennis. Je savais pas trop qui sortir entre Federer, Nadal et Djokovic. Tu vois ce que tu vas dire. Ah, ouais, tu vas mettre les trois. Voilà. C'est le trio. Bah, ouais, c'est vrai. J'ai pas réussi en me dire voilà, sur la décennie, je trouve qu'ils bah, ils sont alternés quoi, genre, c'est normal parce que autant avant 2010, on aurait pu vraiment c'était surtout Federer et Nadal, tu vois, qui se tapaient. Et sur la décennie qui vient qui est en cours là, ouais, pour le coup, ça a été un petit peu de chacun son tour. Djokovic était très longtemps aussi pendant cette décennie. Mais le fait que Roger Federer soit encore revenu, c'est incroyable. C'est fou. Moi, j'avais vu c'était les demi-finales face à Nadal, c'est ça? Non, le dernier Roland-Garros, là. Magnifique, putain. Mais en plus, c'est deux grands champions qui se voient, qui se connaissent, qui se respectent de ouf. Ouais. C'était un trop beau match en plus. Ça, moi, pour moi, ça ressemble beaucoup à la rivalité Messi-Ronaldo, je trouve. Ouais. Nadal, attention au raccourci. En plus proche. Non, mais si tu vois, par rapport à la question tout à l'heure, si tu devais le comparer, je pense que c'est le plus concret. Enfin, le plus plausible. Ouais, mais dans un autre sport. Ouais, mais Nadal et Federer, ils ont l'air plus proches. C'est-à-dire que. Oui, mais je pense que les médias interfèrent moins aussi. C'est moins le tennis, c'est quand même pas le plus classe, quoi. Ouais, je trouve. C'est du 1v1, tu vois, c'est pas 1v1 Rust au snipe, quoi. Mais en vrai, c'est pas le foot ou le foot, c'est sûr, mais les vrais, on l'arrête. Je viens de comprendre, putain. Ouais, c'est une offre à Call of Duty Modern Warfare 2. À l'ancienne. Les vrais ça. Les vrais sages. Ok, prochain sur ton top. Rapport. Alors, LeBron James. Je ne pouvais pas. Ouh là là, il est très fort. Je ne pouvais pas éviter. Quel monument. Barry, je sais que. Je me pose même la question de est-ce qu'il ne rentrerait pas dans la liste des meilleurs. GOAT. Les GOAT. Les meilleurs sportifs de tous les temps. Je me pose la question. Oui, si. Ouais, il est dans la discussion. Dans le basket ou. Ah, général. Bah, en général. Général. Parce que, est-ce qu'on le met au même niveau que, je sais pas, genre des mecs comme Jordan ou des gars comme ça? Ah, bah, la discussion aux États-Unis, c'est le GOAT. Ce qu'ils adorent, disent le GOAT. C'est quoi, greatest GOAT of all time. Donc, oh, le plus fort de tous les temps. Ou la chèvre. Attends, en plus, t'as un petit accent sympa, toi. Il a un truc. Il nous l'avait caché, ça. Merci. Merci. Ouais, là-bas, ça fait beaucoup débat. Alors, le truc qui freine LeBron James dans sa candidature pour ce poste de meilleur sportif et meilleur basketteur de tous les temps, c'est les titres. Oui. Parce qu'il a beaucoup moins de titres que Michael Jordan. Ouais, et que, voilà, bon. Donc là, la légitimité. Là, pour le coup, ou ça. Alors, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui d'être le meilleur qu'avant? Je sais pas. Sortir du lot dans un sport collectif. Ouais, parce que le non, basket a beaucoup évolué. Ouais, donc, est-ce que le niveau de NBA a step up par rapport aux années. C'est pas le même basket que les années 80, je pense. Dans tous les sports co, on a vu une espèce de. Enfin, je sais pas au foot, mais je veux dire sport co un peu physique, genre au rugby c'est pareil. Le foot c'est pas physique. Je veux dire une, ouais, pour moi c'est de la danse. Une grosse évolution du physique des oui, des joueurs, sur le plan athlétique. Des acteurs, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Les mecs sont devenus des vrais athlètes. Des machines. Et maintenant, je sais pas si c'est plus dur de réussir qu'avant, mais physiquement, en termes de chiffres purs, c'est plus dur maintenant qu'avant. Ouais, non, moi je suis assez d'accord. Après. C'est compliqué de comparer. Je pense que c'est pour ça que le thème de décennie est pas mal, parce qu'au final, tu peux pas trop comparer. C'est vrai, c'est bien ça. Chacun est champion dans sa décennie. Voilà, exactement. Ouais. Non, mais ça, et par rapport à Curry. Curry. J'ai mis Curry. Ah ouais. Je le mets parce que pour parler avec ce que je te disais, le but c'est vraiment de ce classement, si tu parles à n'importe qui sur la planète Terre, il va te dire ouais. Et Curry, ça a été le visage de la NBA quand même sur cette décennie. Si. Enfin, je veux dire, tous les basketix entre guillemets, était à fond d'accord. Golden State, ouais. Steph Curry qui met des 3 points de milieu de terrain, enfin tu vois. Ouais, il a quand même relancé le truc et c'est devenu l'image de la NBA pour cette décennie. Oui, de finalement depuis 2014. Oui. Là, tu vois, ça a fait exploser l'équipe de Golden State, tout ça. Enfin, il y a eu toute une hype autour d'eux et les basketiques adorent Golden State. Oui, grâce à lui, parce qu'au final. Ouais. C'est l'équivalent du supporter du PSG, j'imagine. À peu près, un peu. Voilà, Même si je crois dernièrement les Warriors pardon. Ah oui, les Warriors, là c'est la crise. Ouais, c'est ça. C'est la crise. Mais bon, voilà, ça sera peut-être abordé dans notre podcast. ensuite, la crise. J'ai sorti alors Tom Brady. Alors bon, ça c'est le du football américain. Ouais, le duc. Alors lui, pour le coup, par contre, c'est vraiment, il est vraiment vu comme le, même si c'est encore, il est encore en activité, il est vu comme le GOAT du sport. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Encore en activité. Enfin, c'est vraiment un emblème. 38 ans, je crois. Enfin, c'est genre le mec, tout le monde le connaît. Ah, puis c'est ce que je disais dans un précédent podcast, RIP sifflé. Je t'aime, tu me manques. c'est le mec parfait. Donc ouais, au final, c'est vrai que c'est vraiment une figure du sport. Enfin, ouais. Il a pas un côté un peu Captain America, en mode un peu genre c'est le flag humain, non, je sais pas. Ah mais c'est... Enfin, c'est Dieu, c'est... en fait. Ouais, pour eux, il y a un côté, ouais. Il joue patriote. Ouais, enfin, ouais. Patriote, c'est un peu foufou, les Américains, avec ce sport. Hein. Complètement déglingo. C'est top délire. Ah là là. Parce que lui, pour le coup, par rapport à LeBron, par exemple, en termes de titres, ah bah lui, mais alors il faut savoir que Tom Brady, quand même, il a gagné 6 Super Bowls. Il est multi-MVP. C'est record de multi-MVP. Et c'est record de franchises. Ouais, les franchises qui ont le plus de bagues, c'est les Patriots avec 6 bagues que Brady a gagné les 6. Ouais. Et les Pittsburgh Steelers, mais voilà, sur plusieurs années et tout. Alors que Brady lui a gagné les 6 de sa franchise. Ouais, il a marqué clairement la décennie. Ah bah même celle d'avant, enfin bref, c'est incroyable. Et alors je fais le tour. Tiger Woods. Que j'ai mis quand même, qui nous fait un peu plus un bon retour ces derniers temps, qui a gagné une étape il n'y a pas très longtemps. Il s'est réinventé. Le Phoenix. Ouais, il est revenu sur ses acquis. Tiger Woods de Phoenix. C'est vrai qu'il a trusté. Bon, après le golf, on en pense qu'on veut, mais il a trusté le top pendant tellement longtemps. Pour moi, j'étais obligé de le mettre. Puis c'est vrai que son retour là, un peu ces derniers temps, ça marche bien ça. Pour ça, je l'aurais mis plus dans 2000, tu vois. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Parce que mais le but, c'était, tu vois, de sortir un nom. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On attend. Enfin... Oui, en fait, c'est que le fait de se caler sur 2010 de 2020, c'est un peu bâtard. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en pleine activité, qui ont commencé leur activité. C'est leur faute aussi, il fallait qu'ils choisissent. Voilà. Il y a des gens énormes entre 2005 et 2015, et du coup, ils passent un peu à travers. Et je pense que Tiger Woods, ça aurait été parfait. On en parlait 2005-2015, ça aurait été le. Non, mais moi, de toute façon, l'idée est là. Évidemment, on saisit le principe. Dans mon dernier top 12, après j'aurai quelques mentions honorables, très vite fait. j'ai Floyd Mayweather. Oui. À la boxe. Ah, le boxeur. À la boxe. L'Irlandais. Non, ça c'est Conor McGregor. Ah, allez, je ne connais rien. Mais voilà. Conor McGregor, je l'ai pas mis parce que c'est un buzz. Enfin, au final, il a. Oui, Attends, là c'est qui Floyd Mayweather, c'est l'américain. Ah oui, c'est celui qui était en face de lui. Qui faisait des combats à 1 million. Ou 1 milliard. Qui fait. Qui brasse beaucoup, quoi. Ouais. Ce qu'on aura c'est jamais. Le sportif le mieux payé de l'histoire du sport. Ah ouais. C'est pas Carlos Tevez. No joke. Non. Sérieux? Genre, il est super payé en Chine. Ah, mais ouais, mais en Chine, il joue plus en Amérique. Si, il joue en Chine maintenant. T'es sûr? Ouais. Je demande à vérifier l'information. À ne pas confondre. Je vérifie en même temps. Carlos. C'est ça le live. Vert. Non, mais c'est vrai pour le coup, mais Weaver. On passe là-dessus. Ouais, pour le coup, mais Weaver, c'est vrai que. Bon, bah oui, au-delà du buzz, parce que bon, il y a eu pas mal de. Buzz, enfin, la boxe en plus, c'est toujours un milieu c'est ça, où ça c'est parle un milieu beaucoup. Talk, hein, ouais, donc, c'est ça. Il est au Boca. C'est ça, voilà, il joue en Amérique du Sud, il me semble. Donc il est revenu. Mais il est allé en Chine. Hein. Oui, certainement, à une époque. Ouais. Et du coup, il me reste quelques mentions honorables très vite fait. Alors, bon, un peu chauvin. Donc des gens qui, pour toi, méritaient qu'on s'y attarde, mais qui rentraient pas spécialement en fait, ça, c'était un peu le côté chauvin. C'était le côté perso. C'était un peu compliqué, là, tu vois. Le côté, je demande à n'importe qui sur la planète s'ils le connaissent. Marwan pas certain. Jérémy Toulalan. Oh, mais trop fort, en vrai. Tellement sous-côté, ce mec. Il a toujours été Al. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Ouais. Non, j'ai Jérémy, si tu m'écoutes. C'est beau, c'est déclaration d'amour. Non, mais c'est vrai, il est toujours Al au milieu de terrain. Ah, c'était notre N'Golo Kanté, finalement. Mais il est fini défenseur central, le mec. Oui. Ouais. Jérémy Toulalan, bah oui, mais à l'époque, c'était un milieu travailleur de ouf. C'est un meilleur récupérateur de ouf. Après, bon, ça jouait à Lyon, donc ça m'intéresse pas. J'ai mis Teddy Riner dans mes mentions. Ah oui, si. Parce que dans son sport, oui, mais tu vois, c'est le côté tu demandes à tout le monde. C'est le côté tu demandes à tout le monde. Mais t'as raison, je suis pas sûr. Voilà, mais pour. Enfin, c'est vrai que. Bah, qu'est-ce qu'il a pas gagné? C'est tout ça la question. Tu vois, genre. Ouais, il a pas gagné bah, les territoriales de CM. Il a pas gagné. Masterchef, il a pas gagné. Ça, c'est un titre. Il l'a dit, ça lui manque. Ça lui manque à son palmarès. The Voice Kids. Ouais, donc au final, il lui reste quand même pas mal de choses. Hein, Je crois qu'il a encore du boulot. C'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable. Tu vois. Ouais. Mais il a surtout une cote de popularité incroyable. Ah oui, ouais. C'est un truc c'est incroyable. Est-ce que c'est le judo, finalement, c'est pas un sport de. Il n'y a pas trop de gens qui posent problème, finalement, tu vois. Il n'y a pas de caïd. Ouais, je crois qu'on connaît après, pas. Parce qu'on s'y intéresse peut-être pas trop non plus, parce qu'on s'y penche pas assez. J'avoue qu'il n'y aurait pas Teddy Riner, je ne connaîtrais rien du tout. Ça se trouve, il s'envoie des gros clashs sur Twitter et tout. C'est pas. C'est ça. Je sais pas, tu vois. Ok. Vas-y, continue. Et mention honorable, j'ai mis, alors là c'est le côté rugbyman qui ressort, Dan Carter. Ah, Daniel oui. Carter, le néo-zélandais, voilà, ouais, parce que. Ouais. Danny. Oui. Danny. Danny. Danou. J'étais Johnny, mais Johnny Wilkinson, c'est plus 2000-2010. Voilà, oui, ça c'est vrai que ça rentre pas du coup. Et je me demandais, Nicolas Karabatic. Oh. Ouais, c'est vrai. Mais c'est mondial ça. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est le côté emblématique. Ouais, si, on a gagné. Ils ont gagné des mondiaux, tu peux dire que c'est mondial, ouais. Mais je sais pas si. Non, mais ça dépend de la cause. Oh là là. Non, mais ça va loin, attention. Captain Obvious. Non, mais ça va super loin la réflexion parce que. Est-ce que tu peux dire que le hand est mondialement connu? Non, je pense pas. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. La semaine dernière. Si, je pense. La semaine je parle. La semaine dernière. La semaine dernière, j'étais. La semaine dernière. La semaine dernière. Petite sauterie. Sur handball. J'étais avec la Danielle. Petite sauterie organisée chez des collègues. Et là, il y a des Australiens qui arrivent. Me posez pas de questions, il y a des Australiens. Très bien, c'est on dirait le début du mois. Il me parle et tout, il fait ouais, le sport chez vous, c'est comment? Et je dis, est-ce qu'il me demande si le basket c'est le deuxième sport? Non, c'est le rugby, c'est le deuxième sport. Je fais, bah, je sais pas, il y a peut-être le basket et le hand avant, je sais pas, ça, je sais pas trop. Et le mec fait, le hand? Le hand. Mais non. Je fais, bah oui, le hand. Tu vois, fait, la question était pas si débile. Il fait, le hand. Yeah, they're handball. Yeah, handball. Et je lui montre des vidéos, il fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il était. Quand tu regardes le football australien au final. Ouais, ou quand tu regardes du hockey sur gazon bizarre. Il a fait des gros jeux. Et il y a des gens qui vont voir ça. Et il y avait. Je vais montrer, je crois, la finale des Jeux Olympiques. Donc l'immense stade blindé. Donc il y a des gens qui regarde ça, je ne connais pas, et voilà. Donc pour vous dire que le sport, c'est pas si con, pas si con. C'est plus, une, fois le campé, c'est plus une portée européenne, en fait. Je pense, oui. Bah, c'est comme. Pas con, Kanté. Voilà, c'est okay. Le c'était de très mon bien. Feedback, bah, petit merci retour, à toi. C'est super. Rétrospective. Ouais. Merci à toi, mon Romain. Mon ah, je suis ta chose, carrément. Oui, c'est mon Romain, d'accord. Et il en reste un. Voilà, il en reste un sur la liste. Le seul, l'unique. On va terminer avec lui. C'est l'heure de la chronique de Raphaël. Tu vas les bouffer, t'es plus fort que. La vie selon Raphaël. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. Alors, il est quand même incroyable ce générique. Et je l'ai fait en 2 secondes. Voilà. Alors. Non, c'est vrai. Ouais. Alors, putain, mais c'est un truc écrit, c'est naze parce que vous avez fait des trucs. Allez, je le fais. Salut les twittos. Les capsules. Et tout. Alors, déjà, super ambiance le podcast. J'ai vraiment écrit ça. écrit avant même. Mais parce que je savais. Mais si, c'était bien. C'était sûr que ça allait être bien. Nouvelle saison, nouvelle chronique. Voilà, nouvelle formule. Incroyable ce que tu dis, quand même. Merde. Nouveau tout, quoi. Voilà, tout est nouveau. Voilà. Alors, et même si. Parce que c'est réfléchi quand même. Et même si le podcast se renouvelle, mue, change, se transforme, il était de bon goût, je trouve, de commencer par une rétrospective, un constat de la décennie 2010 que nous venons tous de vivre. Alors 10 ans bientôt, puisque nous sommes encore en 2019, mais à la louche, on peut se permettre, on est presque en 2020. Voilà, on va chipoter. Ça va, un an, qu'est-ce qui se passe? Le bac. Alors j'ai googlé. Ça n'a aucun rapport. Alors j'ai googlé vite fait pour choper ici et là un peu d'inspiration et je suis tombé sur le site qui m'a aidé durant toutes mes études, Wikipédia. Donc j'ai lu l'article français des années 2010 de Wikipédia et j'ai fait une dépression en fait. rien que le début, t'as juste envie de te dire, bah ok, super, elles sont où les années folles? Vous avez volé ma jeunesse ou quoi les grands banquiers? Hashtag Greta Thunberg. Alors je vous cite donc Wikipédia pour que vous-même vous fassiez une idée. Donc c'est vraiment le début de l'article. Les années 2010 commencent dans une crise financière héritée de la décennie précédente, évoluant en une crise de la dette qui débouche sur des politiques d'austérité dans toute la zone euro. Yes, bonne ambiance. Décennie de la joie. Voilà, donc il y a des trucs plus cool. Hein. C'est pas la foire fou quand même, mais genre les printemps arabes en 2012, tu vois, ça va. Mais on te redescend tout de suite en parlant de Boko Haram et d'Al-Qaïda. Ces deux organisations joyeuses hein, qui ont poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ouais, j'ai écrit ça. Wikipédia vous parle ensuite du nombre de réfugiés qui a augmenté dans le monde pour des chiffres records, en fait, et qui entraîne toujours, selon Wikipédia, corrélé à la crise économique, à une montée des droites nationalistes en Hongrie, Danemark, Pays-Bas, France, coucou, c'est nous, hein, et l'Allemagne, et au mouvement alternatif de gauche, Grèce, Espagne, France, coucou, c'est encore nous. Apparemment, on a des... Je ne savais pas qu'on avait des mouvements de gauche. Wikipédia, au niveau des sources, c'est pas terrible. On parle aussi, dans cet article, du référendum sur le Brexit de Donald Trump et le président de Bolsonaro. Côté écologie, on nous cite que les 5 premières années de la décennie font partie des années les plus chaudes jamais enregistrées. Vous vous souvenez, c'est le moment où on était en t-shirt en octobre, en terrasse, à boire des pintes. C'était on a bien. Vraiment vécu ce moment-là. Pas d'alcool, ouais. Moi, j'avais 12 ans. Alors, il y a aussi des séismes. On parle de Fukushima en 2011, des 7 milliards d'individus que personne n'arrive à nourrir, des causes de mort comme la pollution de l'air, la sédentarité, le tabagisme, d'autres maladies comme le VIH qui ont gagné du terrain dans la décennie. Et pour finir, le résumé, on nous indique qu'en 2015, un tiers de la population mondiale possédait un smartphone. Voilà, bonne ambiance Wikipédia. Lourd. Lourdos. Quoi ? Un tiers, t'as dit ? Un tiers seulement en 2015. Putain, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne sommes pas tous dans la rue pour manifester et s'indigner un peu plus. Je me mets dedans, évidemment. Je ne comprends pas mon inaction, mon immobilité, ma résignation. Puis je réfléchis et je me dis que les moments où je m'indigne le plus, c'est quand la connexion se coupe et que je peux pas jouer à League of Legends, en fait. Je crois que ça m'a autant bouleversé que les 13... C'est vrai. Je crois que ça m'a autant bouleversé que les 13 soldats morts dans la compagnie, pour les compagnies pétrolières pour la France mardi au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, a.k.a. l'opération qui impose la paix avec les armes. Attention, ça dénonce ici. Hein. Le nouveau Edward Snowden, le cherchait plus, il est là en fait. La chronique au viol de Raphaël. Bref, alors voilà, c'est ce qu'on retient de l'histoire de cette décennie. Bah, c'est de la merde en fait. La même décennie où un petit personnage qui m'obsède maintenant plus qu'Hitler a vu son couronnement au Louvre se faire. Je parle évidemment d'Emmanuel, Brigitte, général de Gaulle, Jupiter, on emmerde les salariés de Whirlpool, Macron, un homme plutôt beau gosse, start-upper, nation man. Voilà pour les grandes lignes historiques, parce que je vous rappelle qu'ici autour de cette table, la majorité sont des historiens en train d'écrire leur mémoire. Oui. Du pur délire, enchanté. Du pur délire. Mais bizarrement, moi quand j'ai commencé à écrire cette chronique, ma première pensée c'est destinée au style des gens qui a quand même bien évolué. En bien, moi je trouve. Je trouve que comparé à 2000-2010, décennie où toute la planète n'avait aucun style, mais genre vraiment aucun, on commence à bien s'en sortir. Personnellement, quand j'étais plus jeune, je mettais Undo Stress. Donc pendant la décennie 2000-2010, c'était ça mes influences vestimentaires. Des Espagnols à la coupe plutôt douteuse en partenariat pour le style avec des Iguales. Donc il y avait aussi genre la Tectonique, les Vans à Damier et autres. Donc. Non, on... Là t'es dur. Les gars, non. Les Vans, non, je vous jure. Pas non. Les Vans, la Tectonique. Bref, même si la décennie 2010 c'est pas ouf selon Wikipédia. Wikipédia. Je réinvente. Wikipédia. Ah ok. Arrêtez de dire que c'était mieux avant, hein, rien que pour les styles Undo Stress, je crois que ça vaut le coup d'être né aujourd'hui et d'avoir le style de fuckboy parisien. Il faut vivre avec son temps, comprendre le monde qui nous entoure, sinon vous finirez comme le joueur du grenier à faire une vidéo avec un titre du genre « YouTube m'ennuie », disant qu'il aurait que le temps passé où on était trois pélo geeks sur YouTube à faire des blagues de politique de gauche. Faire une rétrospective de la décennie, c'est déprimant et surtout ça vieillit de ouf. J'ai vu le temps passer, je me disais « putain, il s'est passé plein de trucs ». Mais de toute façon, on s'en fout parce qu'on est champion du monde. Allez le bleu. Allez. Voilà. Merci Raphaël pour ce magnifique... Wow. Voilà, non mais alors en fait... En faisant la chronique, j'avais pas trop d'inspi. Et le premier truc que j'ai fait, go Wikipédia. Et tu te rends compte. La page, je l'ai lu. Tu te rends compte qu'en fait, mais ce qu'on retient de ça, mais c'est que des trucs hyper navrants, quoi. Et j'ai comparé, par exemple, Wikipédia des années 20-30, où là, c'est les années folles, on consommait à fond, tout le monde s'en battait les couilles et mais tout. Mais est-ce qu'il y a le recul, tu vois, pour. Parce que forcément, là, sur l'immédiat, tu retiens toujours ce qui te marque le plus et souvent, c'est le négatif. Ouais. Est-ce que, tu vois, genre, pour qualifier les années 20 d'années folles, ça s'est pas fait, je pense, dans la décennie. Ouais, peut-être en comparant. Peut-être qu'il a fallu du recul, tu vois, pour qu'il qualifie ça comme ça et qu'il voit que t'es de quoi pouvoir comparer, tout simplement. Ouais, mais il le vivait mieux au jour le jour, je veux dire. Quand tu. J'ai l'impression. Faut voir, je sais. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes des années 20, toi. J'en connais pas mal. Moi, il y a une stat qui m'a un peu impressionné, c'est qu'on est la première génération qui va moins bien vivre que ses parents. C'est-à-dire qu'on a toujours augmenté comme ça. Ouais. D'ailleurs, tout le temps, les enfants allaient mieux vivre que les parents parce qu'augmentation du progrès technique, augmentation de la médecine, de l'éducation. Et aujourd'hui, on a la première sur le déclin. Voilà. Ouais. Je trouvais que c'était super intéressant. Et du coup, ouais. Mais non, mais faut rigoler. Hein. Tout va bien. J'en ai champion du monde. On est champion du monde, c'est ce que je dis. 2010 n'a pas connu. Donc, bah, voilà, déjà, voilà. Voilà, on les emmerde. Ouais. Et alors, on a perdu. Mais ouais, c'est vrai qu'on avait perdu face à l'Italie en 2006, non ? Zizou, pas final. Pas après tout ce que t'as fait, Zizou. Zinedine, pas comme ça, Zinedine. Non, mais voilà, voilà. Petite pensée à Thierry. Non, non, mais je trouvais ça super intéressant et je trouve ça vraiment bien de faire. J'aime bien ce premier thème de podcast. Ouais, allez, on se félicite un peu. C'est vachement bien. Non, mais c'était bien. Et surtout, t'as raison dans le sens de dire c'était mieux avant, ça, tu vois. Ouais, il faut vivre avec son temps. Tu penses toujours, de toute façon, c'est toujours pareil. Tu penses toujours, si tu dois penser dans les dernières années qui précèdent, tu vas retenir ce qui te marque le plus. Et souvent, t'es plus marqué par le négatif que par le positif. C'est clair. Bah, Capsule, c'était vraiment mieux avant. Mais sinon, à part tout ça, tout va bien. Yes. Mais c'est peut-être lié à ta présence. Bah ouais, ouais. Bah, je me dis aussi que merde. Zut. Donc au final, pour toi, le bilan d'année 2010-2019, pas non, si mais mal. En gros, et ouais, voilà, Wikipédia retient le pire, mais j'ai quand même l'impression que moi je suis fier, et c'est ce que je disais hier une copine, c'est que on. Il n'y avait pas de blague en fait. Non, mais non. J'étais avec ma pote et c'est vrai ça. Elle dit, moi je suis assez fier de faire partie de cette génération qui porte le combat de l'écologie, du féminisme, de la justice sociale, de l'anticapitalisme. C'est un gros mot un peu, mais genre, j'ai quand même l'impression qu'on porte tout ça. J'ai aussi l'impression que les gens sont moins mercantiles qu'avant. Le Black Friday, ça fait beaucoup moins de buzz qu'avant. Bah, ça fait beaucoup plus en France, parce que ça n'existait pas. Moi, je trouve quand même que les gens... Moi, j'ai rien acheté pour Black Friday. Hein. Le Black Friday, en France, non, en vrai, pas, j'achète rien de l'année. Ça n'existait pas il y a toi, t'as fait un truc Roro. J'ai rien acheté. Tu t'appelles Roro. Roro. Mon Romain, c'est parce que je suis sa chose. Roro. C'est pour ton côté espagnol. Roro. Pourquoi ? Non, mais voilà, je trouve ça. Non, je pense que c'est une génération qui a plus conscience des problématiques écologiques, surtout, mais même politiques ou sociales. Après, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Tu vois, moi, je vois ça plus dans l'autre sens pour notre génération. Pour les gens plus jeunes, ils ont d'abord conscience du. Enfin, les consciences sociales, c'est acquis. La question se pose pas, mais. Les consciences écologiques est la première de leur éveil un peu politique, tu vois. Genre quand on regarde toutes les grèves pour le climat dans les collèges, etc., même si c'est pas hyper majoritaire, etc., le premier truc qui unit les gens à cet âge là c'est l'écologie. Nous, notre génération, pour moi, c'est le premier truc qui nous a saisi, c'était la justice sociale, etc., tout ce qui est contre l'injustice raciale, discrimination, racisme, sexiste, etc. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, Henri, j'ai un petit insight, puisque j'ai bossé dans les ressources humaines, dans le recrutement. C'est pas vrai. Si. Bah arrête, Et quand on recrutait des jeunes diplômés, l'un des critères pour eux de sélection, donc les générations... Si tu dis ce que je pense, attention. Pour eux, genre, quand tu les recrutes, ce qui compte pour eux, c'était l'empreinte écologique de l'entreprise. Et ce qu'elle faisait pour le... Tu parles des jeunes. Non, les jeunes, en fait, en gros, nous, quand on recrute, tu vois, en fait, la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un marché de plus de travail, mais de candidats, en fait. Mm-hmm. Les candidats choisissent le métier. C'est plus le. Tu vois, t'as le choix dans ce que tu veux faire. Et du coup, souvent, eux, dans leurs critères de sélection, après qu'ils aient fait des entretiens, parce qu'ils en passent plusieurs, ils disent je veux aller dans une boîte où, quand même, je sens qu'il y a un bon impact sur l'environnement, tu vois. Okay. Ah, stylé. Et du coup, souvent, ils le disent. Ils disent qu'est-ce que vous faites, tu vois, pour l'environnement. Ça revient. C'est revenu plusieurs fois sur les générations là, qui sont toutes récemment diplômées, qui, voilà, pour eux, ça compte pour eux, et tu vois, il y a des trop cool. Comme quoi, ça veut dire que ça rentre vraiment dans le. Ouais, en même temps, ça, c'est un truc que je comprends pas. Nous, notre génération, je vais encore revenir sur la note parce que je suis pas expert sur les autres. Mais génération Y ou pas Z. Non, nous, millennials. On est quoi, nous? On est millennials, nous. Enfin, moi, en tout cas. Bah, moi, je suis 95, donc je suis 90. Mais c'est ceux qui ont grandi pendant les années 2000. C'est les générations Z, ça. Moi, je suis génération... Y. Nous, on est Y. Non. En tout cas, bref, qu'importe le nom. On a été éduqués, mais même dans le système scolaire, etc., on nous a dotés d'une conscience écologique qui fait que maintenant, les gens, c'est-à-dire les infrastructures, le ministère de l'Éducation, etc., qui nous ont... qui ont inséré ces... Il a attrapé quelque chose, hein. Il est pas fou, en fait. Les institutions qui nous ont inculqué cette... Arrêtez. On peut faire des gags visuels aussi. Incroyable. Non, pas trop. Ok. ça reste de l'audio. Pardon, Barry. Mais ça y est, voilà, il a abandonné. Que quoi, les institutions nous... Non, les institutions qui nous ont inculqué ces valeurs-là sont pas capables de répondre à ce qu'ils ont créé, tu vois. Et voilà, tout ce que je veux dire. Mais du coup, ça prend 10 minutes, mais vu que vous jouez. Pardon. Ouais. Je suis en fou rire, j'en peux plus. Bon, ben, ouais, merci. Bah, c'était du pur délire. Hein. Enfin, pour moi. Ça aurait dû être ça. L'engagement est respecté. Ça aurait dû être ça, le l'engagement est respecté. Pur délire. Un beau bilan fait par Raphaël. Oui, une belle rétrospective. On va se passer une petite musique et on se retrouve juste après. Oh là là! Retour à reprise de l'antenne ici dans les studios. Quelle musique! On a fait le tour de vos chroniques, messieurs. Il reste une étape avant que je vous libère. On va jouer à un jeu. On va finir chaque épisode de Capsule par un jeu, histoire comme ça. Parce qu'on vient de parler d'une décennie qui paraissait un petit peu merdique. Donc au final, on va finir sur un jeu. Pour le jeu, je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris un jeu qui marchait bien. Et il s'intitule. Question thématisée à choix aléatoire. C'est très chiant. C'est clair comme conseil ou pas ? C'est chiant. Allez. Le nom est pas terrible. Bah, pourtant, j'ai taffé dessus pas mal. Donc, non, en fait, c'est l'idée. Donc, je vous ai demandé chacun un thème avant le début de. Alors, c'était quoi ? Avant le début d'émission pour faire des questions, tout simplement. Donc, vous avez 5 questions chacun sur votre thème. Oh là. Mais là où le jeu se complexifie, c'est qu'en gros, ça va jusqu'à 15 questions, du coup, en tout. 3 fois 5, c'est ça, 15. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 15, oui. Et ça peut correspondre soit à une question de votre thème ou des thèmes des autres. Okay. Ouh là là. Vous répondez correctement à une question de votre thème, c'est 1 point. Et si c'est un autre thème ? 2 points. Bah, c'est pas bien foutu cette idée-là ? C'est présenté, mais alors le speed. J'espère que vous êtes prêts. On dirait Nagui, quoi. Ouais. Et on va commencer tout de suite avec Barry. Oh. Barry, je vais te demander un chiffre entre 1 et 15. 4, c'est le 4 qui sort. Et la question numéro 4. Attention, je vais peut-être donner les thèmes d'abord. Le thème pour Romain, je t'ai mis le basket de la décennie. Oh là là. Wow. Ouais. Raphaël, m'as demandé le thème la région Nord-Pas-de-Calais. Mec, oh putain. Et Barry, tu m'as dit le rap. Je suis nul dans tout. Le rap musique. Le rap musique. Par contre, là, si tu vois, tu vois pas les réponses. Ouais, okay, c'est bon. Ouais, parce que là. Question numéro 4, Barry, c'est une question de ton thème. Oh, oh. Ça fait qu'un point, le thème. Ok, donc alors la question, celle-ci, c'est j'avais plus d'inspi. Est-ce que tu peux me chanter, s'il te plaît, le premier couplet de Macarena de Damso ? C'est ça la question. Mais pas du tout. Allez, vas-y, trop bien le jeu. Ouais, c'est énorme. Mais pas du tout. Au montage, je mettrai le petit fond sonore. Mais non, mais je peux pas du tout. C'est vrai ? Allez ! Je me suis dit, je vais prendre une musique que tout le monde connaît. Si tu veux, t'as le droit au début. Je veux bien le début. Vas-y, je cutterai et je le remettrai à ce moment-là. Je l'ai pas. Hein. Si. C'est la seule où j'avais plus d'idées, je me suis dit, je vais faire ça. Après, le reste, t'auras pas besoin de chanter, je te rassure. Juste la mélodie, après tu coupes. Hein. C'est bon. Non, il faut les premières paroles. Non, ah, non, c'est bon, non, je l'ai. Menteur, non, coupes, tricheur, tu allez. Coupes, tu coupes. C'est bon, stop. Ok. 3. Non, il a pas. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Non, c'est perdu. Mais c'est pas ça. Non, mais vous connaissez les paroles. Si, c'est ça. Mais c'est oui. Perdu. Non, mais le couplet, c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est le refrain déjà. Mais le refrain. Sabrina. Et c'était à partir de là, je crois. Bah oui, mais. Non, mais. Eh bah voilà, t'as perdu, t'as perdu. C'était une des questions les plus dures. Je tiens à dire que j'ai pas encore perdu un seul jeu et on me sabote. 0 points. Non, mais. Si je perds, c'est pas de ma faute. 0 punto. C'est pas. C'est une question un peu tricky. Tu es espagnol. J'ai été. Un décoté espagnol un peu. Je pensais vraiment. Punto. Tu me décevrais pas. Ok, Romain, un chiffre donc entre 1 et 15, sauf les numéros qui sont déjà tirés. Spoiler, il va dire 3. Le 4 est pas tiré. Eh bien, spoiler, je vais dire 9. La question 9, je la cherche rapidement. C'est une question. Nord-Pas-de-Calais. Oh yes! Oh, yeah. Yes, allez, allez! Question Nord-Pas-de-Calais, question numéro 9, citer trois spécialités culinaires du Nord-Pas-de-Calais. Ouh, alors là, putain, mais quelle bonne question. Moi, je peux vous en donner 10. C'est marrant, c'est que Rach, je sens, il peut tout donner. La tartiflette. Non, je... Oh là là. Désolé à tous mes amis lillois, je vous embrasse, un Martine Aubry aussi. La bière. Est-ce que Romain... Eh, la consanguinité. Non mais attends. Non mais ça va. Est-ce que la bière, on veut la compter? La bière, ça passe. Si tu me donnes une... De toute façon, il en faut trois. Une marque. Je les aurai pas. Tu les auras pas? Je les aurai Raphaël, pas. Est-ce que tu saurais nous répondre à cette question? Mais t'auras pas de points. Déjà, le maroilles. Oh putain, ouais, le pochevest, le pochevest. Comment tu répètes? Le pochevest, comment tu l'écris? Le pochevest. P-O-T-J-E-V-L-E-E-C-H. Et après, moi, je dirais les merveilleux de Fresh, de chez Fred. Tu l'as pas? Expliquer ce que c'est le pochevest. Alors le pochevest, c'est de la viande, des légumes, de beaucoup de pommes de terre. C'est une sorte de pot-au-feu. C'est une sorte de pot-au-feu, mais qu'on a mis dans une gelée et qu'on sert froid. Oh. Ah, c'est servi froid. Ouais, c'est servi froid. En fait, à l'époque, c'était des plats que faisaient les mineurs de fond et qui raclaient tous les fonds de tiroir. En fait, t'aurais pu en trouver parce que t'en as qui sont quand même faciles. Je vais donner la liste que j'avais marquée. Donc, il y avait le pot lovesh, je sais pas quoi. Non, ouais, les moules frites, tout simplement. Ah ouais. Oh putain. Chicon gratin. Les endives gratin d'endives, quoi. Coca la bière, je connaissais pas, mais ça existe. La carbonade flamande, évidemment, c'est trop bon. La bière. Fricadelle. Le welsh. Le welsh. Le welsh. Le welsh. Putain, c'est vrai que c'est bon chez la flamiche au maroilles et le dessert. Attention, parce que moi celui-là il m'a grave surpris. La tarte au sucre, et qui avait, tu sais, c'est quand t'as plus rien pour faire un truc et tu dis on a quoi, bon, on a du sucre. Respectez un peu là, respectez. Faites donc une tarte au sucre. Bon, Romain, 0 point là-dessus. Ouais. La question 9 est sautée. Raph, à ton tour. Bah, je vais choisir le 3, c'est mon chiffre porte-bonheur. Le 3, je la cherche rapidement. J'aime bien le principe, je tiens à le dire. Ouais, bah merci. C'est calqué sur le grand concours des animateurs de TF1, là, présenté par Carole Rousseau. Bon, ça, c'était pas obligatoire. Question numéro 3, c'est une question basket qui était le thème de Romain. Yes. Alors, j'ai été un peu tricky. C'est pas du basket, c'est pas que de l'NBA. Ouh là, aïe. Mais c'est des questions abordables, c'est des questions abordables. Raphaël, quel est le nom de la première division française de basket? Zéro. Mais non. Mais moi c'est ça que j'adore dans le jeu, c'est que tout le monde va dire, tout le monde va être en mode mais c'est trop facile, et celui qui aura tiré la question, si c'est pas son thème, il est baisé. Moi je l'avais. Est-ce que je peux apporter, alors attendez, juste j'ai droit à un indice? Non. Est-ce que c'est le nom d'une franchise, genre? Oui, voilà, c'est comme Ligue 1 Conforama. Ouais. Non, c'est un nom comme ça, c'est une marque qui a un nom. Ça doit être Domino's. Non, Domino's, c'est la Ligue 2 de football. Bah voilà. Tu l'as pas? C'était quoi, Romain? Bah moi j'avais la Pro A, mais j'avais plus. C'est Jeep Elite. Voilà. Putain, moi j'étais resté à la Pro A. Tu imagines, même moi j'aurais la pas. La Pro A, c'est la Jeep Elite. La Jeep, la voiture. Ouais, Jeep, la voiture. Comme putain, il y a du naming. De toute façon, il y a du naming partout maintenant. Donc. Ouais, le naming. On en parle ou pas? Eh, 2010, c'est un autre thème. Barry, à ton tour. Oui. Attends, c'était quelle? La 3, tu m'as dit. Donc on est tous à 0 là. Vous êtes tous à 0. Oh les merguez. Ça va se jouer sur un point. Oh les grosses merguez. Celui qui marque un point, il a gagné. Barry, à toi. Eh bien, je vais dire 1. La question numéro 1, c'est une question de ton thème, Barry. Oh. Elle est pas facile. Oh, bah, je sais pas si elle est facile. Chante-moi le deuxième couplet de combien d'albums a sorti Jul? Oh là là. Alors attends, album ou vraiment album? Genre c'est tous les albums. Je les ai comptés, il y en avait beaucoup. Les mixtapes et tout, ça compte pas. Je me suis dit Jul, c'est quand même un des plus gros producteurs. C'est vraiment un chien de la classe. Combien? Bah, allez, à deux près, allez. Oh non, deux près. Oh non, elle est trop facile. C'est pas facile. Moi, j'ai compté dire 14. À deux près. Moi j'ai envie de dire, non, pas à deux près, allez, un près, ouais, t'as un écart de 1 de chaque côté. Ouais, déjà, c'est bien. Moi, d'instinct, j'aurais voulu dire 14, mais il y en a un qui dit rien. Il en a sorti un, il est en train de faire la tournée de cet album-là, et il en a annoncé un nouveau, et je crois que le nouveau est sorti, en fait. Il faut un chiffre arrêté. Moi, je te dis, le dernier, c'était celui qui est sorti il n'y a pas longtemps, là. Johnny de guitare, là. Non, avec le saxo et tout, là. Non, je sais plus. C'est pas des LOL. Je sais plus. En vrai, je sais plus. C'est pour ça que je t'accorde un écart de 1, en fait. Bah, je vais dire 15. Eh ben c'est le point, parce que c'était 14. Oh putain, j'ai d'instinct, j'avais 14. Ah ouais, j'avais dit 14 d'instinct aussi. Tu et vois. C'est beaucoup 14 quand même, ouais. Sur la période. Sur la période, ouais, c'est ça. Surtout, mais il a marqué notre décennie, en fait. Un point pour cette question, qui était la question 1. Après, pour une raison évidente, je l'ai pas mis dans les sportifs. Il était dans mon... Il est quand même un peu fit, hein, Jul. Il était dans mon top 10. Non. Fais-le signe. Je vous recommande le compte Twitter, il fait le signe. Où il répertorie toutes les personnalités qui font le signe. Notamment Raheem Sterling ou des trucs comme ça. Merci. Romain, merci. Une question s'il te plaît, je te dirai 14. Si ton chiffre est déjà sorti. La 14, on n'a pas tiré la 14, je cherche rapidement la question 14, c'est une question rap. Oh, putain. Donnez deux noms parmi les meilleures ventes du rap français, de l'histoire du rap français. Oh. Donc sur le podium, donner deux éléments du podium des meilleures ventes de rap français. Oh. All time. All time, all time. Goat. IAM. IAM est bon. Oh, allez. Attention, t'as pas le droit de... pas de joker. Trop simple. Moi j'écoute pas de rap français, donc autant te dire que... C'est all time. Hein. All time. Mmh. Bon déjà j'en ai un sur deux, c'est déjà pas, c'est pas trop mal. Allez, il va falloir le deuxième. Ah j'ai... Putain, IAM et qui ? Je suis trop con moi. Ça devrait me venir facilement en plus. Raphaël arrête de tricher. Allez, Romain, c'est maintenant. 3 secondes. Doc Gynéco. Ah mais non. Non. Bah oui. Non, le point est raté. Barry, c'est ce que Barry. Moi, je voulais... Il me semble que... Alors, je sais pas si c'est dans le top 3 ou moi, dans le Booba. Top 5, mais Jul est rentré dans un déclassement. Il est quatrième. Jul est quatrième. Bon, bah j'ai... Et putain Le podium, c'est... Alors, en premier, c'est MC Solar. C'est Solar, oui. Ah ouais, Solar. Putain, j'ai hésité à le dire en plus. Deuxième, IAM. Ah non, Jul est troisième, pas trop. Ah, voilà, IAM et Jul. IAM, Jul. Énorme. IAM, Jul. C'est eux qui vendent le Solar, j'ai hésité. Jul devrait dépasser IAM dans l'année normale. En fait, MC Solar, il a tellement vendu dans les années fin 90-2000 surtout. Énorme. Qu'il est, il a toujours été caracolé. Et à l'international surtout. C'est ça. Enfin, ouais, en voilà, plus, ouais. C'est ça. À l'international. Qui... Donc tu ne marques pas de points là-dessus. Juste deux points, j'ai hésité. Très bon. Romain, pas... Raphaël, à toi. Ouais, c'est pas mal. La question Go. Attends, j'en 13. Question numéro 13. Je la cherche rapidement. Question 13, c'est une question basket. Oh là là, mais putain. Sur la décennie 2010-2019. Il y a que Barry qui tombe sur ses thèmes. Sur la... ah, ça, tu vas pas y aller, ça va être trop dur pour toi, je pense. Sur la décennie 2010-2019. La trois équipes ont remporté chacune deux fois le championnat de France. Ok. Ah, de lesquelles? France. Pff, de basket. Voilà. Oh, t'es trop... Vas-y, viens, viens, on fait, viens, on fait non, USA. Même moi, je le savais. Viens, on fait USA. Non, non, bah non, mais il le savait. Bah non, mais j'en sais rien. Kevin, ça rage. Oh, ça rage. Non, mais que... c'est une autre question. Kevin, Pujol et je sais pas. Bon. Mais non, mais c'est des questions de merde aussi. Moins un de rage, Raphaël. Ouais. En vrai, mais moi, je l'avais. Là, mauvais point. De... Attends, je réfléchis. T'as des clubs connus en pro. En pro. En Jeep Elite. En Jeep Elite. Jeep Elite. Il y a Paris. Non. Mais pas bon, allez, vas-y, je suis une bille. En... Bon, bah, quelqu'un, Romain, c'est ton thème, est-ce que tu saurais le dire? Attends, si tu sais pas répondre. Chambéry. Non. Asvel, Cholette. Asvel, ouais. Asvel. Limoges. Limoges, ouais. Il y avait Asvel, Limoges et il y avait également Chalon. Et non, ah, Chalon. Ah ouais, c'est que des villes pétées en plus. Asvel, Asvel, c'est le club de Tipeee, non? Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, bah. C'est... Bon, Raphaël, écoute, je suis navré. Bah ouais, bah je tombe que sur des questions. Ils ont un titre. Ok. Ils n'ont pas deux. Ok. Donc c'était la combien, ça c'était la 13. Barry. Oui. À toi, un chiffre entre 1 et 15, je te dirai si les chiffres ont déjà été tirés. Je vais dire 10. Question numéro 10. Ah c'est, oh, c'est rap Barry. Oh là là, tu tombes à chaque fois sur ton s'il vous plaît. Nord-Pas-de-Calais, je crois que c'est Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Oh. Yes. Yes. Combien a fait d'entrée au cinéma le film Bienvenue chez les Ch'tis en France à 2 millions près? Oh, c'est grave dur. D'entrée en moi, France je sais pas. À 2 millions près. Oh là là. Bon courage. Ah je... Ouais. À 2 millions près. À 2 millions près. Le nombre d'entrées millions, françaises. C'était large pour 2 millions. Ah, bah c'est un sacré chiffre. Ouais. Ah, j'aurais dit 12 millions. Hein ? C'est ton dernier mot ? Bah non, du coup, non. Les mecs. Oh. Je sais pas. Vas-y, donne-moi ta définitive là. 30 millions. Non, c'est raté. C'était beaucoup 20. Moins. Ouais. 20 millions. 489 000. 20 millions 500 000, tu vois. 20 millions. Bon, Barry, pas de points sur cette question. Attends, est-ce que. Ah, on parle pas du film. Ok, c'est un super film. Hein. Bah non. En tant qu'ambassadeur de Nord-Pas-de-Calais, trouve que c'est assez... Parce que les habitants, vrai, à l'époque où c'est sorti, c'était offusqué. C'était ouais, ils non. étaient pas hyper chauds. C'est parce que c'est un peu cliché, mais c'est sinon c'est ça va. C'est carrément cliché. Alors, tarte au sucre. Ça aurait été ça, ça aurait été le même genre de film sur les banlieues, ça aurait été taxé de film raciste de ouf. Non, mais les gens, pour le coup, t'as raison, parce que les gens, au moment où c'est sorti, avant qu'il y ait le succès et tout. Nous, on a bien aimé dans la famille. Et ils habitent tous à Lille. Après, c'est marrant, ça repose sur des petits clichés qu'on en rigole tous un petit peu. Bah ouais, je suis méchant. Bah ouais, quoi. Romain, à toi. Question Nord-Pas-de-Calais. Hein. Bah vas-y, je te dirai si c'est déjà 7. La 7, elle est pas tombée. La question numéro 7, je crois que c'est de ton thème. Je sais juste. Ouais, allez, oh les merguez. Oh la gueule, je suis gaze. Allez où la question 7? T'es gaze. Non, mais j'ai envie que ça soit un thème pas à moi, comme ça je mets 2 points et je gagne. Putain, il y a pas de 7. Qu'est-ce que j'ai merdé? D'accord, donc il y a 14 questions. Donc on arrête le jeu. Ah mais non, je sais pourquoi. Bah c'est pas grave. La question 7, du coup, elle est là. Quelle équipe NBA est la plus titrée sur la décennie 2010-2019? Saison 2009-2010 comprise. Oh, t'es dur. Saison 2009-2010 comprise. Ouais. Ça change quelque chose. La plus titrée. Ouais, ouais je crois. Ouais. La plus titrée. Je pourrais dire après. Il y en a qu'une seule. Il y en a une seule qui a la plus de titres sur la décennie du coup. Je pourrais dire ce que je pense après. Ouais, si tu veux, Raphaël, t'auras le droit c'est, de parler. C'est un détail important du coup que tu t'es pris. Il me semble que si je l'ai noté, c'est que ça compte. Ah le bâtard. Non, non, enfin, oui, si, ça compte, mais. Attention, pas trop d'indices. Tu l'as, toi, Barry ? Attention, Barry. Moi, j'hésite, du coup. En fait, je suis en train de réfléchir parce que si le 2009-2010 il est important, en fait, c'est celui de 2009-2010 qui. Non, oui. Justement. Attention. Non, non, mais vas-y, de toute façon. Faut oh, donne pas d'indices. Et moi, on m'a pas aidé hein, pour les. Alors, vas-y, Romain, ta réponse dans les 5 secondes. Bâtard. Les Boston Celtics. Non. Alors, je peux dire les Miami Heat. Non. Alors, moi j'étais, à Golden State, mais Golden State. J'étais entre les Spurs et Golden State. Les Warriors. Putain! C'est les Warriors, ils ont 3 titres. Parce que les Spurs sont champions en 2009, donc 2008-2009. En fait, 2008. Si j'ai mis 2009-2010 compris, c'est parce que je crois que c'est les Heat qui sont champions cette saison-là. Et les Heat ont 2 titres. Ils sont juste derrière. Ah, mais voilà, j'étais pas content. Les Warriors en ont 3. Et sinon, les Warriors ont 3 titres, ouais. Raph, à ton tour. Oui. Un numéro, s'il te plaît. Ah oui, le numéro 4. On a déjà fait le 4. Oh, bah 5. Alors, le 5. Je cherche la petite question 5. Si c'est pas une question dans le podcast, j'arrête le jeu. Question rap. elle est pas trop dure. Allez. Quel album de PNL c'est le plus vendu? Vous savez quoi? La vérité, c'est que je sais pas. Si. Je sais aucun nom. Si. Les titres d'albums, t'as pas? Les titres d'albums, je sais pas. Ah, bah c'est la page des merdes. Ah, bah c'est la page des merdes. Ouais, j'avoue, c'est le minimum. Est-ce qu'il y a un 2 dedans? Non. Ah, mais c'est bon, je l'ai. Attendez, je réfléchis. Parce que lui donner les noms et qui joue. Non, non, non, tu lui donnes pas les noms. Bah non, bah non. Parce que c'est limite. Je ne sais pas. Tu donnes ta langue au chat ? Moi j'aurais dit mais... deux mondes, deux frères. C'est le dernier ? Tu penses que c'est celui-là ou pas ? Non, non, c'est 90. Un truc comme ça, non ? Alors ça, c'est un morceau. C'est 4. Enfin, Da. Barry. Da. Barry, l'album de PNL le plus vendu, c'est ça me saoule. Écoute, j'aurais dit deux frères. Ah, mais j'ai dit ça. Non, mais c'est pas ça, t'attends. Mais du coup, mais j'en connaissais un du coup. Est-ce qu'on peut faire un zoom? C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur sa tête? Du coup, je pense que c'est dans la légende. Oui, c'est dans la légende, tout à fait. Mais tu marques pas de quelle question de merde. Barry, c'est à ton tour de jouer. Ouais. On essaye de finir. Bah, y'a plus que Nord-Pas-de-Calais. 12. Moi, j'ai pas eu basket encore. Donne-moi du basket là. Il reste pas mal de Nord-Pas-de-Calais. Je sais, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'était les villes les plus peuplées de la région Nord-Pas-de-Calais. Ah, combien de villes ? Il y en a 5, mais si tu m'en donnes déjà, allez, 3 ou 4, ça dépendra 4. De ton... 4, no pitié. Lille ? Lille, c'est bon. Dunkerque ? Dunkerque, c'est bon. S'il y arrive, je dirais rien. Ça donne déjà 3, en vrai, je pourrais comment... Arras Non, Arras, c'est pas bon. Pouh ! Pourquoi c'est pas bon, Arras ? Arras, c'est pas bon, c'est pas c'est dans le top 5. C'est tout petit, Arras. C'est pas dans le top 5 ? C'est pas dans le top 5, Arras. Allez, une dernière chance pour donner au moins un 3ème, et puis si tu chaud, un 4ème, mais... De regarder mes réponses là. Je vois pas, je. Bah, Bruxelles. Ouais, super. Ah, lol. Raph, ouais. Est-ce que tu saurais donner le top Lens, 5 Lens ou pas? Non, pas Tourcoing. C'est pas, attention, c'est les villes, je compte pas les agglomérations, tu vois. Tourcoing? Tourcoing, c'est bon. Bondu? Non. Je sais pas. Il y a Roubaix et Calais. Ah ouais, Roubaix. C'est purement en termes de villes, tu vois, c'est sans compter. Ouais. Parce que si tu prends l'agglomération lensoise, c'est en deuxième, je crois, ouais. Ou un truc ouais. Comme ça. Donc pas de points, Barry, là-dessus. J'ai oublié que Roubaix, c'était... Attends, mais qui a des points? C'est la ville la plus pauvre. Il y a un point. Des points valent de l'or. Romain, c'est à toi. Allez, mon petit Romano. La numéro 13. 13, c'est sorti déjà. C'est 13, hein. 12. 2, la question 2. Non, c'est 12. Oh, ok. Attends, j'ai pas fait le thème. C'est pas toi qui l'a pas fait d'allemand. C'est pas grave, t'auras la question 2, du coup. C'est la question de ton thème. 4 MVP sur la décennie 2010-2019. Oh, c'est trop ça. Ok, LeBron James. LeBron James, c'est bon. Stephen Curry. Curry, c'est bon. James Harden. James Harden, c'est bon. Giannis Antetokounmpo. Ouais, bien joué. C'est le dernier, donc. C'est et sur la décennie, il y avait également Derrick Rose, Kevin Durant et Westbrook. C'est trop facile. Et Marine Le Pen. Hein. Un point pour qui a joué c'est une année. Un point pour Romain. Moi, je dois chanter un couplet d'un mec qui va super. C'était vite. La seule question un peu dure. Ça fait 16 mesures. Arrête. Lui, il a 4 noms. Pourquoi c'était même pas le couplet le plus. Oh, les FC rageux là. J'ai choisi cette chanson-là parce que je me suis dit, ça va, elle est abordable. Bon, allez, on. Ouais, hein. On enchaîne. Raph. Allez. Il reste la 6, 8, 11, 15. 8. C'est pas possible, j'ai fait des erreurs. C'est pas grave. Allez, enchaîne. 8, tu m'as dit. Alors la 8, la 8. Si c'est pas Nord, pas de Calais. Quel album de Nekfeu c'est le plus vendu? Mais c'est ouf. Mais c'est ouf, putain, j'adore ma région là. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Bon, alors. Celui-là, je sais. Tu sais? Ah ouais, c'est sûr. Là, pour le coup, c'est une question qui est faite pour toi. Parce que j'aime bien. J'aime bien avec le Fennec. Allez, on essaye de faire ça vite. Putain, je dirais feu. C'est feu. Yes! C'est sûr. 2 points en plus. Égalise. Non. Ah mais si, c'est pas ton thème. Oh le bâtard. Oh, et il passe en tête. Merci Nick le fait à l'unisson. On est à l'... Ouais, j'ai besoin putain, d'être devant. Seul. C'est notre dernière question là avec Barry. Je crois qu'il doit rester une question à peu près. Ouais, t'as un joli tatouage, Romain. Ça, un joli tatouage. Ah putain, c'est quoi? C'est pardon. Oh là là. Barry, allez, on enchaîne, on essaye de finir ça assez rapidement. Barry. Ouais. Oui. Ah pardon, 6, 8, 11, 15, je crois. Je veux dire un petit 8. Mais non, attends, la 8, on vient de la faire. Oui. Donc pas la 8. Donc il en reste 3. 6, 11, 15, un truc comme ça. Il me semble. Il a 12 et la 2. 11. La 11, la 11, la 11. Non, pas de calais, sur la décennie 2010-2019, trois équipes qui ont remporté chacune 2 Euroleague de basket. C'est une thème de Roland, donc ça vaut 2 points. Qui ont remporté combien? 2 Euroleague, chacune. Ouais, deux... oh, bah, ouais. Il faut citer, allez, si tu m'en sors 2 sur les 3. Le Barça. Le Barça, c'est pas une bonne réponse. Allez, bim. Moi j'aurais dit Madrid. Madrid, c'est une bonne réponse. J'ai pas fini, les gars. Bon, bah merde. Mais non, parce que j'avais vraiment envie de dire. Bon, bah cite-moi les deux autres à part Madrid alors. Oh, non. Ah non, je lui donne le Madrid. Non, mais les deux autres, il en reste 2, Madrid compte pas. C'est trop dur. Mais quoi, c'est trop dur. Tout le monde regarde l'Euroleague, non? Galatasaray? Non. Dernier essai. Ok, c'est perdu. Romain, tu les as les autres ou pas? Alors attends, Madrid. Tu m'as dit Madrid, c'est une bonne réponse. Toi, tu l'avais Madrid. Bah oui, tu l'aurais dit. Oui, mais toi, dans tous les cas, t'en aurais qu'un. Ça aurait pas suffi. Je pense que c'était Barcelone et Madrid. Non, mais oui, mais du coup, t'en aurais eu qu'un, du coup. Donc dans tous les cas, tu. Bon, c'est pas grave. Romain, est-ce que t'as une idée ou pas du tout? De l'Euroleague, ouais. Y a pas un club genre. Mais est-ce qu'il y a un club français qui perd, ça me plaît? Vainqueur, non. Non, pas en Euroleague. Pas vainqueur. Non, j'ai pas. Mais je pense qu'il y a des pays bizarres. C'était l'Olympiakos. Ouais, ouais, ouais. Et le Galatasaray, je pensais aux pays bizarres. Et le CSK Moscou. C'est pas, tu penses pas directement à eux pour le faire là, c'est ça. CSK qui est un gros club de basket. Oui, non, mais oui, mais c'est vrai que. Donc c'est pas de points pour Barry. Donc il reste, on a dit. Je crois qu'il reste la 6 et la 15. Attends, mais c'est la Romain. Qui va gagner. Romain. Ben quoi? Attends, 6 ou 15, là, je crois. Là, c'est la fois que je sois clutch. Donc là, c'est la dernière. La dernière chacune, ouais. Là, je crois que c'est clutch. 6 ou 15. Attends, je te dis juste ça vite fait si j'ai pas fait de conneries. Ma bite. Eh ben, c'est deux questions sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, Oh non, mais putain. 6 ou 15. C'est la victoire pour Raphaël, je pense. Bah arrête, arrête. 6 ou 15. Attends, c'est pas. De, c'est pas du coup, c'est des questions à 2 points pour toi et 1 point pour lui. Ça peut faire une égalité. 15, parce que le rugby. Tu veux la 15? Le stade de Lille qui a été construit en 2012. Oh, combien il a de place? Comment s'appelle-t-il? Oh, trop facile. Ah, ouais. Il y a du naming dedans encore? Non, c'est pas un naming, c'est un nom style stade mon cul. Sauf que c'est quelqu'un. Eh oh! Mon cul. Putain, je suis sûr que c'est. Eh oh! Non, non, pas 0 en 10. Hein. Allez, 5 secondes. Oh, il la veut sa victoire, le Raphaël, il la veut. Louis Fernandez, j'en sais rien. C'est le stade Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, évidemment. Bon, bah, pas de points. Raph, tu es le grand gagnant Pierre pour l'honneur, pour le sport. Attends, la j'ai gagné question. Et j'ai même pas répondu à la dernière question. Oh là là. Alors qu'il a ragé pendant tout le truc. Question. C'est vrai. Dernière question, question de ton thème. 5 clubs de foot sont représentés dans les 3 premières divisions nationales en France. Est-ce que tu peux me les citer? Les 5 clubs qui sont dans les 3 Alors, premières divisions. Lens, Valenciennes, oui. Lille. Oui. Il en reste 2. Je dirais. Ils jouent respectivement en... Ils jouent en national. Je dirais Dunkerque. Dunkerque. Et si je te dis Ribéry. Boulogne. Boulogne, voilà. Boum. Il avait gagné. Bon, bah, mes amis. Qui c'est qui a gagné? C'est Raphaël qui gagne le premier jeu, bravo. Et il gagne du coup. Allez, il gagne 3... Non, 3-1-1. Putain. Bravo. Et ben, c'est ce qui conclut ce premier épisode de saison 2 de Capsule. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Merci, messieurs. Merci. Merci à toi. Yes. Et merci. On se retrouve très certainement bientôt pour un prochain épisode, soit le prochain, soit encore un autre plus tard. Les équipes avec de nouvelles têtes. Les gens reviendront. Oui. On essaiera de faire revenir un petit peu les gens. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez écouté jusqu'au bout. Et de nous avoir regardé aussi. Ça, ça sort un jour déjà avant de pouvoir l'annoncer. Ah oui. C'est ah. Du teasing. On vous dira, il y aura peut-être. Ah oui, les gens le savaient pas. Non, mais il y aura peut-être des petites vidéos best-of qui seront faites si j'ai le temps de faire ça. T'es au chômage donc. De toute façon, on vous tiendra au courant dans le prochain épisode de Capsule ou sur les réseaux sociaux si on pense à les réactiver. Merci à Twitter d'avoir complètement oublié mon mot de passe, donc je ne me rappelle plus. En attendant, on vous dit merci à tous et on se retrouve dans 2 semaines si tout va bien pour le prochain épisode de Capsule. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Bisous.